Dossier 5. Deuxième partie. Des bruits qui courent. Bernard s'approche de Joseph et de Raymond en souriant. Bonjour Joseph. Bonjour Raymond. Bonjour Monsieur le Moine. Ah, ne m'appelez pas le Moine. Appelez-moi Bernard. On se connaît bien maintenant. Dites, ma chaudière a besoin d'être réparée. Vous connaissez un bon plombier ? Un bon plombier, c'est difficile à trouver. On devrait demander à Charles Cazeneuve s'il se déplace jusqu'ici. De Toulon ? Oh ben ça m'étonnerait. Alors qu'est-ce que je fais ? La chaudière est posée depuis plus de 20 ans. Remarquez, si elle a tenu 20 ans, je ne vois pas pourquoi elle ne tiendrait pas un hiver de plus. Il ne faut pas qu'il prenne de risques. Mais j'y pense. Il y a le petit Pierre, le fils de Marcel. C'est un bon plombier et il est sérieux. Et oui, il a raison. Justement, votre chaudière, elle a été installée par son père. Près de la chaudière, Bernard et Pierre discutent. Moi, je veux bien la réparer, mais je ne peux pas vous dire combien de temps ça tiendra. Est-ce que vous pouvez me faire deux devis, même approximatifs ? Un pour la réparation, un autre pour la nouvelle chaudière. Ils peuvent être faits tout de suite, si vous voulez. D'accord. Ben, venez vous asseoir, vous serez mieux. Dans la salle du café, Pierre termine de rédiger les devis. Tenez, voilà vos devis, à quelque chose près. Je me demande ce qui est le mieux. Il n'y a pas une énorme différence de prix. Il vaut mieux la changer, je crois. Vous pouvez le faire quand ? Oh, le temps de la commander, disons dans une dizaine de jours. Je vous téléphonerai. D'accord. Dans le local de la chaudière, 10 jours plus tard. Vous en aurez pour longtemps ? Jusqu'à ce soir. Je pensais venir plus tôt, mais j'ai été retenu sur un chantier. Dites, pourquoi vous ne m'avez pas dit que vous alliez quitter le village ? Ça ne valait peut-être pas la peine de changer la chaudière ? Quitter le village ? Qui vous a raconté ça ? J'ai entendu dire que vos affaires ne marchaient pas très fort et que vous vouliez remonter à Paris. Remarquez, moi, je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. Quitter le village ? J'aimerais bien savoir qui peut raconter ça. Un jaloux ? C'est bon signe ? C'est que nos affaires commencent vraiment à bien marcher.